Une vengeance du tsar par Alexandre Dumas. J'avais 18 ans, j'étais depuis 2 ans comme enseigne au régiment de Polovski. Le régiment était caserné dans le grand bâtiment qui existe encore de l'autre côté du champ de Mars, en face du jardin d'été. L'empereur Paul Ier régnait depuis 3 ans et habitait le palais rouge qui venait d'être achevé. Une nuit où, après je ne sais quelle escapade, la sortie que j'avais demandée pour faire une partie avec quelques-uns de mes camarades m'avait été refusée, et où je restais à la chambrée à peu près seul des officiers de mon grade, je fus tiré de mon sommeil par une voix dont le souffle effleurait mon visage et qui me disait à l'oreille « Dimitri Alexandrovitch, réveillez-vous et suivez-moi ». Je rouvris les yeux. Un homme était devant moi qui me renouvela, éveillé, l'invitation qu'il venait de me faire pendant que j'étais endormi. « Vous suivre ? » répétai-je. « Et où cela ?»« Je ne puis vous le dire. Cependant, sachez que c'est de la part de l'empereur. » Je frissonnais. « De la part de l'empereur ? » ?»« Que pouvait-il me vouloir, à moi, pauvre enseigne, de bonne famille, mais toujours trop éloigné du trône pour que mon nom fût parvenu jusqu'à l'empereur ?» Je me rappelais le sombre proverbe russe, né au temps d'Ivan le Terrible, près du tsar, près de la mort. Il n'y avait cependant pas à hésiter. Je sautai à bas de mon lit et je m'habillai. Puis je regardais avec attention l'homme qui était venu m'éveiller. Tout enveloppé qu'il était de sa pelisse, je crus le reconnaître pour un ancien esclave turc, barbier d'abord, puis ensuite favori de l'empereur. Cet examen d'ailleurs ne fut pas long. En se prolongeant, il n'eût peut-être pas été sans danger. « Je suis prêt, » dis-je au bout de 5 minutes, en serrant à tout hasard mon épée contre moi. Mon inquiétude redoubla lorsque je vis mon conducteur, au lieu de prendre le chemin de l'entrée de la caserne, descendre par un petit escalier tournant dans les salles basses de l'immense bâtiment. Il éclairait lui-même notre marche avec une espèce de lanterne sourde. Après plusieurs tours et détours, je me trouvai en face d'une porte qui m'était complètement inconnue. Pendant toute la route parcourue, nous n'avions rencontré personne. On eût dit que le bâtiment était désert. Je crus bien voir passer une ou 2 ombres. Mais ces ombres, insaisissables d'ailleurs, disparurent, ou plutôt s'évanouirent dans l'obscurité. La porte à laquelle nous aboutissions était fermée. Mon conducteur y frappa d'une certaine façon. La porte s'ouvrit toute seule, évidemment mise en mouvement par un homme qui attendait de l'autre côté. Effectivement, lorsque nous fûmes passés, je vis distinctement, malgré les ténèbres, un homme qui refermait cette porte et qui nous suivait. Le passage dans lequel nous étions entrés était une espèce de souterrain de 7 à 8 pieds de large, creusé dans un sol dont l'humidité suintait à travers les briques qui en tapissaient les parois. Au bout de 500 pas à peu près, le souterrain était coupé par une grille à claire-voie. Mon conducteur tira une clé de sa poche, ouvrit la grille et la referma derrière nous. Nous continuâmes notre chemin. Je commençais alors à me rappeler cette tradition qui disait qu'une galerie souterraine communiquait du palais rouge à la caserne des grenadiers de Polovski. Je compris que nous suivions cette galerie et que, puisque nous étions partis de la caserne, nous devions aller au palais. Nous arrivâmes à une porte pareille à celle par laquelle nous étions sortis de prime abord. Mon conducteur frappa à cette porte de la même façon qu'il avait frappé à l'autre. Elle s'ouvrit comme l'autre, mise en mouvement par un homme qui attendait du côté opposé. Nous nous retrouvâmes en face d'un escalier que nous montâmes. Il donnait entrée dans les appartements inférieurs, mais l'atmosphère desquels on pouvait reconnaître que nous entrions dans une maison chauffée avec soin. Cette maison prit bientôt les proportions d'un palais. Alors, tous mes doutes cessèrent. On me conduisait à l'empereur. À l'empereur, qui m'envoyait chercher, moi infime, caché dans les derniers rangs de la garde. Je me rappelais bien ce jeune enseigne qu'il avait rencontré dans la rue, qu'il avait appelé derrière sa voiture et qu'il avait nommé successivement, en moins d'un quart d'heure, lieutenant, capitaine, major, colonel et général. Mais je ne pouvais espérer qu'il m'envoyât chercher pour la même cause. Quoi qu'il en fût, nous arrivâmes à une dernière porte devant laquelle allait venait une sentinelle. Mon conducteur me mit la main sur l'épaule en me disant « Tenez-vous bien, vous allez être devant l'empereur ». Il dit un mot tout bas à la sentinelle, celle-ci se rangea. Il ouvrit la porte, autant qu'il me parut, non pas en employant la clé de la serrure, mais au moyen d'un secret. Un homme de petite taille, vêtu à la prussienne, avec des bottes venant à moitié cuisse, Un habit tombant jusque sur ses éperons, coiffé, quoique dans sa chambre, d'un tricorne gigantesque, en grande tenue, quoiqu'il fût minuit, se retourna au bruit. Je reconnus l'empereur. Ce n'était pas chose difficile, il nous passait en revue tous les jours. Je me rappelais qu'à la revue de la veille, son regard s'était arrêté sur moi. Il avait fait sortir des rangs mon capitaine, lui avait, en me regardant, fait quelques questions tout bas, puis avait parlé à un officier de sa suite du ton dont on donne un ordre plein et absolu. Tout cela ne faisait que redoubler mon inquiétude. « Sire, dit mon conducteur en s'inclinant, voici le jeune enseigne auquel vous avez désiré parler. » L'empereur s'approcha de moi, et comme il était petit de taille, se leva sur la pointe des pieds pour me regarder. Sans doute me reconnut-il pour celui à qui il avait affaire, car il fit un signe approbatif de la tête, et en pivotant sur lui-même, il dit « Allez !» Mon conducteur s'inclina, sortit, et me laissa seul avec l'empereur. Je vous le déclare, j'eusse autant aimé rester seul avec un lion dans sa cage de fer. L'empereur parut d'abord ne faire aucune attention à moi. Il alla et vint, marchant à grands pas, s'arrêtant devant une fenêtre à un seul vitrage, ouvrant, pour respirer, un carreau mobile. Puis, lorsqu'il avait respiré, revenant à une table sur laquelle était posée sa tabatière, il prenait une prise de tabac. C'était la fenêtre de sa chambre à coucher, de celle où il a été tué depuis et qui, dit-on, est restée fermée depuis l'époque de sa mort. J'eus le temps d'en examiner chaque disposition, chaque meuble, chaque fauteuil, chaque chaise. Près d'une des fenêtres était un bureau en retour. Sur ce bureau, un papier ouvert. Enfin, l'empereur parut s'apercevoir de ma présence et vint à moi. Sa figure me sembla furieuse. Elle n'était cependant qu'agitée de mouvements nerveux. Il s'arrêta en face de moi. « Poussière, me dit-il, poussière, tu sais que tu n'es que poussière, n'est-ce pas, et que c'est moi qui suis tout ?» Je ne sais comment j'eus la force de lui répondre « Vous êtes l'élu du Seigneur, l'arbitre de la destinée des hommes. »« Hum, fit-il, et me tournant le dos, il se promena de nouveau, ouvrit de nouveau la fenêtre, aspira une nouvelle prise de tabac, puis une seconde fois revint à moi. « Ainsi, tu sais que, quand je commande, je dois être obéi sans résistance, sans observation, sans commentaire. Comme on obéirait à Dieu, oui, sire, je sais cela. » Il me regarda fixement. Il y avait dans ses yeux une expression si étrange que je ne pus supporter son regard. Je me détournai. Il parut satisfait de l'influence qu'il exerçait sur moi. Il alla à son bureau, prit le papier, le relut, le plia, le mit dans une enveloppe, cacheta cette enveloppe, non pas avec le sceau impérial, mais avec une bague qu'il portait au doigt. Puis il revint à moi. « Souviens-toi que je t'ai choisi entre mille pour exécuter mes ordres, dit-il, parce que j'ai pensé que par toi, ils seraient bien exécutés. J'aurai toujours devant les yeux l'obéissance que je dois à mon empereur, lui répondis-je. Bon, bon, souviens-toi que tu n'es que poussière et que je suis tout, moi. J'attends les ordres de votre majesté. Prends cette lettre, porte-la au gouvernement de la forteresse, accompagne-le où il lui plaira de te conduire, assiste à ce qu'il fera, et va me dire « J'ai vu ». Je pris le paquet en m'inclinant. « J'ai vu, tu entends, j'ai vu. Oui, sire, bah. » L'empereur referma la porte derrière moi et sur lui en répétant « Poussière, poussière, poussière. » Je restais tout étourdi au seuil. « Venez, me dit mon conducteur. Nous nous remîmes en route, mais par un chemin différent. Celui-là conduisait à l'extérieur de la forteresse. Un traîneau attendait dans la cour. Nous y montâmes tous les deux, mon conducteur et moi. La porte de la forteresse donnant sur le pont de la Fontanka s'ouvrit, et le traîneau partit au grand trot, attelé en troïka. Nous traversâmes toute la place, et nous arrivâmes au bord de la Neva. Nos chevaux s'élancèrent sur la glace, et guidés par le clocher Pierre et Paul, nous traversâmes le fleuve. La nuit était obscure, le vent soufflait d'une façon lugubre et terrible. À peine m'aperçus-je au ressaut des rives que je venais de toucher la terre ferme. Nous étions à la porte de la forteresse. Le soldat prit le mot d'ordre et nous laissa passer. Nous entrâmes dans la forteresse. Le traîneau s'arrêta à la porte du gouverneur. Le mot d'ordre, une seconde fois donné, on entra chez le gouverneur comme on était entré dans la forteresse. Le gouverneur était couché. On le fit lever avec ce mot tout-puissant, « Par ordre de l'empereur ». Il arriva en cachant son inquiétude sous un sourire. Avec un homme comme Paul, il n'y avait guère plus de sécurité pour les geôliers que pour les captifs, pour les bourreaux que pour les victimes. Le gouverneur nous interrogea des yeux. Mon conducteur lui fit signe que c'était à moi qu'il avait affaire. Il me regarda alors avec plus d'attention. Cependant, il hésita à s'adresser à moi. Sans doute, ma jeunesse l'étonnait. Pour le mettre à son aise, je lui donnai sans dire une parole l'ordre de l'empereur. Il s'approcha de la bougie, examina le sceau, reconnut le cachet particulier de l'empereur, le chiffre des ordres secrets. Il s'inclina, fit un signe de croix presque imperceptible et ouvrit la lettre. Il lut l'ordre une première fois, me regarda, le relut et m'adressant la parole. « Vous devez voir ?» me dit-il. « Je dois voir, » répondis-je. « Que devez-vous voir ? Vous le savez. Mais vous, le savez-vous ? Non. » Il resta un instant pensif. « Vous êtes venu en traîneau ? » demanda-t-il. « Oui. » « Combien de personnes peuvent tenir dans votre traîneau ?»« 3. »« Monsieur vient-il avec nous ?» demanda-t-il en montrant mon conducteur. J'hésitais, ne sachant que dire. « Non, » répondit celui-ci, « j'attends. »« Où ? Ici. Qu'attendez-vous ? Que la chose soit faite. »« C'est bien. Préparez un second traîneau, choisissez 4 soldats, et que l'un prenne un levier, l'autre un marteau, les 2 autres des haches. » L'homme auquel s'adressait le gouverneur sortit aussitôt. Alors, se retournant vers moi, « Venez, » reprit le gouverneur, « et vous verrez. » Il sortit le premier pour me montrer le chemin. Je le suivis. Un porte-clés vint derrière nous. Nous marchâmes jusqu'à ce que nous fussions en face de la prison. Le gouverneur désigna du doigt une porte. Le geôlier l'ouvrit, passa le premier, alluma une lanterne et nous éclaira. Nous descendîmes 10 marches, nous trouvâmes un premier rang de cachots, mais nous ne nous y arrêtâmes point. Puis 10 autres marches, nous ne nous y arrêtâmes point encore. Puis 5, là seulement nous nous arrêtâmes. Les portes étaient numérotées. Le gouverneur s'arrêta devant la porte désignée par le chiffre 11. Il fit un signe muet. On eût dit que dans ce séjour de tombeau, comme les morts qui l'habitent, on perdait la faculté de parler. Il faisait au dehors un froid de 20 degrés. Dans les profondeurs où nous étions, ce froid était mélangé d'une humidité qui pénétrait jusqu'aux os. La moelle des miens était glacée, et cependant j'essuyais la sueur sur mon front. La porte s'ouvrit. On descendait 6 marches rapides et gluantes, et l'on se trouvait dans un cachot de 8 pieds carrés. Il me sembla, à la lueur de la lanterne, voir une forme humaine se mouvoir au fond de ce cachot. On entendait un sourd et étrange bruissement. Je regardais autour de moi. Je vis une meurtrière d'un pied de long sur 4 pouces de large. Le vent venait par cette ouverture et établissait un courant avec la porte ouverte. Je compris quel était ce bruit et d'où il venait. C'était l'eau de la Neva qui battait les murs de la forteresse. Le cachot était au-dessous du niveau de la rivière. « Levez-vous et habillez-vous, » dit le gouverneur. J'eus la curiosité de savoir à qui s'adressait cet ordre. « Éclaire, » dis-je au geôlier. Le geôlier dirigea sa lanterne sur le fond du cachot. Je vis alors se soulever un maigre et pâle vieillard à cheveux blancs et à barbe blanche. Sans doute il était descendu dans ce cachot vêtu des habits avec lesquels il avait été arrêté. Mais ses habits avaient eu le temps de tomber pièce à pièce, et il n'était plus vêtu que d'une pelisse en lambeaux. À travers ces lambeaux, on voyait son corps nu, grelottant et osseux. Peut-être ce corps avait-il été couvert de vêtements splendides. Peut-être les cordons des plus nobles ordres s'étaient-ils croisés sur cette poitrine décharnée. Aujourd'hui, c'était un squelette vivant qui avait perdu son rang, sa dignité jusqu'à son nom, et qui s'appelait le numéro 11. Il se leva, s'enveloppa dans les débris de sa pelisse sans pousser une plainte. Son corps était courbé, vaincu par la prison, l'humidité, le temps, les ténèbres, la faim peut-être. L'œil était fier, presque menaçant. « C'est bien !» dit le gouverneur. « Venez !» Il sortit le premier. Le prisonnier jeta un dernier regard sur son cachot, sur son siège de pierre, sur sa cruche d'eau, sur sa paille pourrie. Il poussa un soupir. Il était impossible cependant qu'il regrettât rien de tout cela. Il suivit le gouverneur et passa devant moi. Je n'oublierai jamais le regard qu'il me jeta en passant et ce qu'il y avait de reproche dans ce regard. « Si jeune » semblait-il me dire, et déjà aux ordres de la tyrannie. Je détournai les yeux. Ce regard avait pénétré dans mon cœur comme un poignard. Je m'effaçai pour qu'il ne me touchât point en passant. Il franchit la porte du cachot. Depuis combien de temps y était-il entré? Peut-être l'ignorait-il lui-même. Il avait dû cesser depuis longtemps de mesurer les jours et les nuits au fond de cet abîme. Je sortis derrière lui. Le geôlier vint après nous et referma soigneusement le cachot. Peut-être ne le vidait-on que parce qu'on en avait besoin pour un autre. À la porte du gouverneur, nous trouvâmes les deux traîneaux. On fit monter le prisonnier dans celui qui nous avait amenés. Nous nous assîmes, le gouverneur à ses côtés, moi sur le devant. L'autre traîneau était monté par les quatre soldats. Où allions-nous? Je l'ignorais. Qu'allions-nous faire? Je l'ignorais encore. L'action ne me regardait pas, on se le rappelle. Je devais voir, voilà tout. Je me trompe. Il me restait encore quelque chose à faire, il me restait à dire « j'ai vu ». Nous partîmes. Par ma position, je me trouvais à voir les genoux du vieillard entre les miens. Je les sentis trembler. Le gouverneur était enveloppé dans des fourrures. J'étais boutonné dans mon surtout militaire et le froid nous envahissait. Le vieillard était nu, ou à peu près, et le gouverneur ne lui avait rien offert pour le couvrir. J'eus un instant l'idée d'ôter mon surtout et de le lui donner. Le gouverneur devina mon intention. « Ce n'est pas la peine, » dit-il. « Je gardais mon surtout. » Nous avions repris notre course et nous avions regagné la Neva. Arrivé au milieu du fleuve, notre traîneau prit la direction de Kronstadt. Le vent venait de la Baltique et soufflait avec violence. Le grésil nous fouettait le visage. Un de ces terribles chasse-neige, comme il n'en existe que dans le golfe de Finlande, se préparait. Si habitués que fussent nos yeux à l'obscurité, la vue ne s'étendait pas à plus de 10 pas. Lorsque nous eûmes dépassé la pointe, le chasse-neige se déclara. « Vous n'avez pas une idée, mon ami, de ce qu'était ce tourbillon de vent et de glace, au milieu de ces terrains bas et marécageux, où pas un arbre ne s'opposait à sa violence. Nous avancions à travers une atmosphère mouvante, mais où flottaient des flocons si pressés qu'elles semblaient près de devenir solides, et à nous étouffer entre des murailles de neige. Nos chevaux renâclaient, hennissaient, refusaient d'avancer. Notre cocher ne les forçait de continuer leur chemin qu'à grands coups de fouet. À tout moment, ils déviaient et allaient nous heurter aux rives du fleuve. Alors, avec des luttes inouïes, on regagnait le milieu. Je savais que parfois, en plein jour, les traîneaux, chevaux et équipages s'engloutissaient dans des abîmes où l'eau ne gèle jamais. Nous pouvions rencontrer un de ces trous et nous y engloutir tous. Quelle nuit, mon ami, quelle nuit! Et ce vieillard, dont les genoux grelottaient de plus en plus entre les miens. Enfin, nous nous arrêtâmes. Nous devions être à un lieu à peu près de Saint-Pétersbourg. Le gouverneur descendit, s'approcha du second traîneau. Les quatre soldats étaient déjà descendus, tenant chacun à la main l'instrument dont on leur avait recommandé de s'armer. « Faites un trou dans la glace !» leur dit le gouverneur. Je ne pus retenir un cri de terreur. Je commence à comprendre. « Ah !» murmura le vieillard avec un accent qui ressemblait au rire d'un squelette. « L'impératrice se souvient donc de moi ? Je croyais qu'elle m'avait oublié. » « De quelle impératrice parlait-il ? 3 impératrices s'étaient succédées, Anne, Élisabeth, Catherine. Il était évident qu'il croyait vivre encore sous l'une d'elles et qu'il ignorait le nom même de celui qui le faisait mourir. Quelle était donc l'obscurité de cette nuit près de celle de son cachot ? Les 4 soldats s'étaient mis à l'œuvre. Ils brisaient la glace avec leurs marteaux, la taillaient avec leurs haches, soulevaient les blocs avec leurs leviers. Tout à coup, ils firent un saut en arrière, la glace était brisée, l'eau montait. « Descendez !» dit le gouverneur au vieillard en se retournant vers lui. L'ordre était inutile, le vieillard était descendu de lui-même. Agenouillé sur la glace, il priait. Le gouverneur donna tout bas un ordre aux 4 soldats, puis il revint s'asseoir près de moi. Je n'avais pas quitté le traîneau. Au bout d'une minute, le vieillard se releva. « Je suis prêt, » dit-il. Les 4 soldats se jetèrent sur lui. Je détournai les yeux, mais si je ne vis pas, j'entendis. J'entendis le bruit d'un corps qui tombait dans le gouffre. Malgré moi, je me retournais. Le vieillard avait disparu. J'oubliais que ce n'était point moi de donner des ordres et je criai au cocher « Pachol, Pachol, stoy !» cria le gouverneur. Le traîneau qui avait déjà fait un mouvement s'arrêta. « Tout n'est pas fini, » me dit le gouverneur en français. « Qu'avons-nous donc encore à faire ?» lui demandai-je. « À attendre, » répondit-il. Nous attendîmes une demi-heure. « La glace est prise, Excellence, » dit un des soldats. « En es-tu sûr ?» demanda le gouverneur. Il frappa sur la superficie de l'abîme. L'eau était redevenue solide. « Partons, » dit le gouverneur. Les chevaux repartirent au galop. On eût dit que le démon des tourmentes les poursuivait. En moins de 10 minutes, nous étions de retour à la forteresse. J'y repris mon conducteur. « Au palais rouge !» dit-il au cocher. 5 minutes après, la porte de l'empereur se rouvrait pour me laisser passer. Il était debout et tout habillé, comme je l'avais vu la première fois. Il s'arrêta devant moi. « Eh bien » demanda-t-il. « J'ai vu, » répondis-je. « Tu as vu, vu, vu ?»« Regardez-moi, sire, » lui dis-je, « et vous ne douterez pas. » J'étais devant une glace, je m'y voyais. Seulement j'étais si pâle, mes traits étaient si bouleversés, qu'à peine si moi-même je me reconnaissais. L'empereur me regarda et sans dire un mot, il alla prendre sur le bureau à la place où était le premier un second papier. « Je te donne, dit-il, entre Troïtsa et Pereslov une terre avec 500 paysans. Pars cette nuit et ne reviens jamais à Saint-Pétersbourg. Si tu parles, tu sais comment je punis. Bah !» Je partis. Je ne revis jamais Moscou et c'est la première fois que je raconte à une âme vivante ce que je viens de vous raconter. Voilà une des 1000 légendes de la forteresse. Ainsi s'achève Une vengeance du tsar par Alexandre Dumas.